toujours l'école. Je me plains que j'ai trop d'heures de cours. Les profs, ils ont pas d'auréole. Je les mettrai bien dans le four. Chaque journée, 8 heures de cours et 30 heures par semaine. Le samedi, ça devient un peu lourd. T'es mieux payé à la chaîne. Mais quand c'est les vacances, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Je fais la fête et je danse. À la fin, je suis en transe. Et pendant les vacances, je m'ennuie tous les jours. Je m'ennuie dans mon enfance. Je veux retourner en cours. Moi, je reste tranquille dans ma ville alors que tous mes autres potes volent. Alors je lis Boule et Bill. Je veux retourner à l'école. Mais quand c'est les vacances, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Je fais la fête et je danse, à la fin je suis en transe. Mais j'ai trouvé la solution pour doucement me calmer. J'invente des belles chansons que même moi, ça m'a choqué.